je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. C'est ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. De valeur sur toi est répondu. C'est le fond de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Come and take control in the name of Jesus. Father, bless everyone here. We give you the glory in the name of Jesus. Amen. Please be seated. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Hallelujah. Amen. Are you happy to be here? Êtes-vous content d'être ici? I wanted to teach you a song. Je voulais vous enseigner un chant. Do you have time? Est-ce qu'on a le temps? Okay, donc, write the words. Écrivez les paroles. You did not wait for me. Very quickly, you did not wait for me to draw me near, to draw near to you. You did not wait for me to draw near to you. Okay, very short song. But you clothed yourself with frail humanity. Are you with me? Very fast. You did not wait for me. You did not wait for me. You did not wait for me to draw near to you. Can you translate? Tu n'as pas attendu que je me rapproche de toi. Okay, you did not wait for me to draw near to you. Tu n'as pas attendu que je me rapproche de toi. Okay, but you clothe yourself. You clothe yourself. Mais tu t'es revêtu. With frail humanity. De l'humanité, d'une vaine humanité. With frail humanity. L'humanité fragile. Okay, but you clothe. Mais tu t'es revêtu. Yourself with frail humanity. Frail is F-R-A-I-L. Frail humanity. Et tu t'es revêtu d'une fragile humanité. Are you here? Can I continue? Oh, you're not writing. Vous n'écrivez pas. You're not writing. Should I stop? J'arrête. I should stop. Okay, so the second part. La deuxième partie. You did not wait for me to cry out to you. Tu n'as pas attendu que je crie à toi. Yeah, you did not wait for me to cry out to you. Tu n'as pas attendu que je crie à toi. But you let me hear your voice calling me. Mais tu m'as fait écouter ta voix m'appelant. But you let me hear your voice calling me. Mais tu m'as laissé écouter ta voix m'appelant. Okay, are you there? Are you there? Vous y êtes? Okay? Is it okay? Should I repeat? You did not wait for me to cry out to you. But you let me hear your voice calling me. Tu n'as pas attendu que je crie à toi, mais tu m'as fait écouter ta voix m'appelant. Okay, is that okay? Is it okay? C'est okay. Okay, so the last part. La dernière partie. I am forever grateful to you. Je suis à jamais reconnaissant. I am forever grateful to you. Je te suis à jamais reconnaissant. I am forever grateful for the cross. Je te suis à jamais reconnaissante pour la croix. Okay. And I'm forever grateful to you. Je te suis à jamais reconnaissante. That you came to seek and save the lost. Que tu es venu pour chercher et sauver les perdus. Yeah. That you came to seek and to save the lost. Que tu es venu pour chercher et sauver les perdus. Is that okay? That's all. That's all. That's all. It's very simple. C'est très simple. Okay, I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm so forever grateful to you that you came to seek and to save the lost. Did you get it? Can I start? Est-ce qu'on peut commencer? Hey, today nobody responds. Or you don't hear English. Ou bien vous n'écoutez pas. Who cannot understand English here? Qui ne comprend pas l'anglais ici? Not one English. Même pas un seul mot. Not one English. Même pas un seul mot. Oh, sorry. Oh, désolé. But don't worry, you'll learn. Mais t'inquiète pas, tu vas apprendre. Hallelujah. Amen. Are you here? Okay. You did not wait for me. Or you did not wait for me to draw near to you. Is that true? You did not wait for me. You did not wait for me. Okay. You did not wait for me to draw near to you. But you clothed yourself with frail humanity. Okay. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me. Okay, you did not wait for me. You did not wait for me to draw near to you, but you clothe yourself with frail humanity. Une fois encore, you did not wait for me to draw near to you, to draw to you, but you clothe yourself with frail humanity. You did not wait for me, oh, you did not wait for me to cry out to you, but you let me hear, but you let me hear your voice calling me. Okay, from the top, you did not wait for me to draw near. You did not wait for me to draw near to you, but you close yourself, but you close yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear, but you let me hear your voice calling me. I am forever, forever grateful to you. I am forever, I'm forever grateful for the cross, for the cross. I'm forever grateful to you, to you, that you came, that you came to seek and save the lost. Are you singing with me? Est-ce que vous chantez avec moi? I'm forever grateful to you, to you. I'm forever grateful for the cross, for the cross. I'm forever grateful to you, that you came, that you seek and save the Lord. I'm forever grateful to you, to you. I'm forever grateful for the cross, for the cross. I'm forever grateful to you, to you, that you came, that you came to seek and save the Lord. You, I'm forever, I want to. I'm forever grateful to you. Everybody sing. Like the song from the top, the last. Depuis le début. You did not wait for me. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. Once again, to draw near. You did not wait to draw near, to draw near to you. And you clothe, and you clothe yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out. You did not wait for me to cry out to you. But you let me hear your voice calling me. I want you to sing from the top. You did not wait for me. You did not wait for me. wait. Don't spoil this song. Did not wait for me to draw near to you. To did not wait for me to draw near to you. You understand? To draw near, to cry out to you, to cry out to you. Okay. You did not wait for me to draw near to you. Are you okay? Do you get the trick? You get a trick? You get it? Are you okay? Yeah, okay. Begin. You did not wait for me. You did not wait for me to draw near to you. Once again. You did not wait for me to draw near to you. Body close yourself with frail humanity. You did not wait for me to cry out. You did not wait for me to cry out to you. Once again, you did not wait for me to cry out. To cry out to you. Body, let me hear. Body, let me hear your voice calling me from the top. You did not wait for me to draw near. You did not wait for me to draw near to you. Body, close yourself with frail humanity. You did not wait for me. You did not wait for me. Oh. Cry out. But you let me hear your voice calling me. I'm forever grateful to you. I'm forever grateful for the cross. I'm forever grateful to you. To seek and save the Lord. You see, when you don't sing like a francophone. Vous savez, quand vous chantez, ne chantez pas comme les francophones. Huh? That you came to seek and save the Lord. Can you sing that? Yes. That you came to seek and save the Lord. You understand? So comprenez. Yeah, because I heard they say So je l'écoutais dire tout. Hallelujah. Let's sing for it now. I'm forever grateful to you. Somebody I can hear for the choir. Is it you? For the choir. Hallelujah. Learn to speak like an anglophone. Apprenez à parler comme un anglophone. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? It will be nice. Serait plus joli. Okay. That's why sometimes I teach you anglophone songs, English songs. Voilà pourquoi parfois je vous enseigne des chants en anglais. So that it helps you to change your lips. Ça vous aide à changer vos lèvres. Pour que vous arriviez à prononcer. You have to turn your lips and your tongue. Tu vas devoir apprendre à tourner tes lèvres et ta langue pour t'ajuster. Me, I did that exercise. Moi, j'ai fait cet exercice. Like I was speaking like a francophone. When I speak English like francophone. Quand je parle anglais comme but des francophones. I have to learn to listen to an anglophone. Mais then pronounce like an anglophone. J'ai appris à écouter un anglophone et prononcer comme lui. Do you understand? Do you understand? Est-ce que vous comprenez? Yeah, English verse a bit nicer. Ça rend en anglais un peu plus joli. Yeah, hallelujah. Mm. But you like the song? Mais aimez-vous le chant? We have it in French. How do you sing? It's not in French. It's in French, yeah. Sur ma reconnaissance pour la croix, oh la croix, oh sois ma reconnaissance, Jésus, Jésus, oh ma reconnaissance, ma reconnaissance, oh reçois Jésus, oh reçois ma reconnaissance pour la croix, pour la croix, oh reçois ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, pour ta venue, ton esprit. Ton esprit et ton salut, et ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus, Jésus. Oh, reçois ma reconnaissance pour la croix, pour la croix. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ta venue, ton esprit, ton salut. Hallelujah. Is it a beautiful song? Est-ce que c'est un beau chant? Hallelujah. Amen. Father, we bless you. We are forever grateful to you for the cross, for salvation, to come in to seek us, to come in to save us. Lord, you did not wait for us to come, but you came yourself in frail humanity. You came yourself and you called us. Father, we bless you. We thank you for your goodness. We thank you for your love. We give you all the glory in the name of Jesus. And everyone say amen. Hallelujah. Please clap for God. Applaudissez pour Dieu. Hallelujah. Amen. Tonight, we want to just share something very small. Ce soir, nous voulons partager quelque chose de très court. Hallelujah. Amen. And we'll pray for those who don't speak in tongues. How many people here don't speak in tongues? Combien d'entre vous ici ne parlent pas en langue? A lot of people. Plusieurs personnes. Yeah, that's why you can't pray. Voilà pourquoi tu ne peux pas prier. Yeah, that's why you can't pray for long. Voilà pourquoi tu ne peux pas prier pour longtemps. Hallelujah. Mm-hmm. When you read the Bible in Romans chapter 8. Quand vous lisez la Bible dans Romains chapitre 8. Romans chapter 8 verse 26. Verset 26. Hallelujah. Amen. Let's go there. Romans 8 verse 26. Romains 8 26. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmity. For we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Okay. Romains 8, 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Amen. Hallelujah. Amen. Are you here? Yeah, one of the greatest difficulties. L'une des plus grandes difficultés. When you meet somebody. Quand tu rencontres quelqu'un. It's what to say. C'est quoi dire. Is it true or is not true? C'est vrai ou c'est faux? It's an important person. Surtout quand tu rencontres une personne importante. Ou bien. Yeah, when you say, oh, good morning, how are you? Quand tu dis, oh, bonjour, bonjour, comment vas-tu? Where do you come from? D'où reviens-tu? How old are you? Quel âge as-tu? What are you doing here in Accra? Qu'est-ce que tu fais ici à Accra? What's your name? Quel est ton nom? Then it's finished. Et c'est fini. You don't know what to say again. Tu ne sais plus quoi dire. Hallelujah. Amen. But God knows that limitation. Mais Dieu connaît cette limite. Even when you know scriptures. Même quand tu connais des versets. You know the Bible. Tu connais la Bible. It's still sometimes difficult to know what to pray about. C'est toujours parfois difficile de savoir sur quoi prier. Hallelujah. Amen. Because we are very limited. Parce que tu es très limité. Even in our language. Même dans notre langage. In the words that we know. Dans les paroles que nous connaissons. In the bank of vocabulary that we have. Dans la banque de vocabulaire que nous avons. Yeah, we are still limited. Nous sommes toujours limités. As to what we should pray about. Concernant sur quoi prier, ce que nous devons dire. Even sometimes because we are limited for tomorrow, like we can't tell tomorrow. Et parfois aussi puisque nous ne pouvons pas dire ce qui sera demain. Yeah, you can't tell. This evening when you go home, you don't know what will happen. Ce soir quand tu vas rentrer à la maison, tu ne sais pas ce qui va se passer. That's one of the limitations we have. Ça, c'est l'une des limites que nous avons. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? And you can't see what is happening in the spiritual realm. Et tu ne peux pas voir ce qui se passe dans le domaine spirituel. We are limited. Tu es limité. So God has given us the Holy Spirit. Donc Dieu nous a donné le Saint-Esprit to help us. Pour nous aider. One of the major functions of the Holy Spirit. L'une des fonctions majeures du Saint-Esprit is to help us. C'est de nous aider. It's help you. C'est t'aider. Because you are limited. Parce que tu es limité. Because you are weak. Parce que tu es faible. Because you are not strong. Parce que tu n'es pas fort. Parce que tu ne sais pas beaucoup de choses. Holy Spirit is there to help you. Donc le Saint-Esprit est là pour t'aider. Even in prayer. Même dans la prière. Yeah, that's why we have this verse. Voilà pourquoi nous avons ce verset. So we groan. Donc avec des grognements. Groanings which cannot be uttered. Qui ne peut pas être dit. Uttered. Groanings which cannot be dit. You can't put it in words. Tu ne peux pas mettre ça dans des paroles. Hallelujah. Amen. Are you here? Are you here? Êtes-vous là? Yeah. Do you know what will happen tomorrow? Do you know what will happen tomorrow? Est-ce que vous allez savoir ce qui se passe demain? So how you pray about, what are you going to pray about for tomorrow? Donc de quoi allez-vous prier pour demain? You don't know. Tu ne sais pas. But the spirit is there. Mais l'esprit est là. As you pray in the spirit. Alors que tu pries dans l'esprit. He's taking care of tomorrow. Il prend soin de demain. Which you don't know. Que tu ne connais pas. Are you here? Est-ce que vous êtes là? You understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? Yeah, it's just like the memory verse for our week. The week memory verse. C'est juste comme nos versets à mémoriser chaque semaine. No, this week. OK, le verset à mémoriser de cette semaine. Yeah. Mark chapter 16 verse 15. You've forgotten the verse. Vous avez oublié le verset. You've forgotten the verse. Vous avez oublié? Yeah. Mark chapter 16 verse 15. Mark 15, 16. Okay. Mark 16, 15. Yeah. 16, 15. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved. He that believeth not shall be damned. Verse 17, and this sign shall follow them that believe. In my name they shall cast out devil, and they shall speak with new tongues. Mark chapitre 16, à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Hallelujah. Amen. Are you born again? Est-ce que tu es né de nouveau? If you are born again, it means that you can speak. You are supposed to speak in tongues. Si tu es né de nouveau, ça veut dire que tu es censé parler en langue. Yeah. You can be born again today and speak in tongues. Tu peux être né de nouveau aujourd'hui et parler en langue. Yeah. Hallelujah. Amen. Are you here? Est-ce que vous êtes yeah. là? Yeah. When you go and you do evangelism. Quand tu vas évangéliser. Hallelujah. Amen. And you receive salvation. Et la personne reçoit le salut. And you pray for the person for salvation. Et tu pries pour la personne pour le salut. You can pray for the person for the Holy Spirit. Tu peux prier afin que la personne reçoive le Saint-Esprit. And for the person to speak in tongues. Que la personne parle en langue. Hallelujah. Amen. Because this sign shall follow them. Ces signes accompagneront. In my name they will cast out devils. En mon nom ils chasseront les démons. And they shall speak with new tongues. Et ils parleront de nouvelles langues. New tongues. De nouvelles langues. Yeah, it can be a language of somebody. Ça peut être le langage de quelqu'un yeah, that you don't know about. Que tu ne connais pas. Hallelujah. Amen. New tongues. New language. Une nouvelle langue. And the language of the Holy Spirit. Et le langage du Saint-Esprit. And the moment you are born again. Et le moment où tu es né de nouveau. The Holy Spirit comes to dwell in you. Le Saint-Esprit vient habiter en toi. Yeah. The Holy Spirit is in you. Le Saint-Esprit est en toi. It's in you. Il est en toi. It's in you. Il est en toi. It's in you. Il est en toi. That's why in 1 Corinthians chapter 6 verse 20, chapter 6 verse 5. He said, "Your body is the temple." Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens, il est dit, le corps est le temple. Yeah, it's a temple of the Holy Spirit. Le temple du Saint Esprit. That's why you don't have to give your body to anybody just voilà like that. Tu ne dois pas juste donner you ton don't corps have to à do anything with any just anything with your body. Tu ne peux pas juste faire n'importe quoi avec ton corps. Because the Holy Spirit is in you. Parce que le Saint Esprit est en toi. Hallelujah. Amen. Amen. But how do we know the Holy Spirit is in you? Mais comment savoir que le Saint-Esprit est en toi? We don't know. Nous ne savons pas. I know. Moi, je ne sais pas. Johan, how do I know? I don't know whether the Holy Spirit is in you. Je ne sais pas que le Saint-Esprit est en Hallelujah. Toi. Hallelujah. Mm. I don't know. Je ne sais pas. So the evidence of the Holy Spirit in you. Donc l'évidence du Saint-Esprit en toi. Is the speaking in tongues. C'est le parler en langue. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. So everybody should desire to speak in tongues. Donc tout le monde doit désirer le parler en Now, langue. The first thing. Ça c'est la première chose. Desire. Désirer. Or maybe the first thing is being born again. Donc la première chose c'est être né de nouveau. And the second thing is to desire. Et la deuxième chose c'est le désirer. Hallelujah. Amen. Are you here? Are you here? Êtes-vous là? Am I speaking too fast? Est-ce que je parle trop vite? I feel like I'm speaking too fast. J'ai l'impression de parler trop vite. Hallelujah. Amen. Isaiah chapter 28. Isaiah chapitre 28. Isaiah chapter 28. So tonight it's how you can be helped by praying in tongues. Ce soir, c'est comment est-ce que tu peux être aidé en priant en langue? How you can be helped by praying in tongues. Comment est-ce que tu peux être aidé en priant en langue? Hallelujah. Isaiah chapter 28 verse 11. Isaiah 28 verset 11. Hallelujah. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. For with stammering lips and another tongue will he speak to his people, to these people. Eh bien, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Alléluia. Amen. Stammering. Balbutiante. Stammering. Stammer. You know stammer. When you say somebody stammer. Bégayer. You know somebody stammer. Vous savez qu'une personne peut bégayer. How does a person stammer? Comment est-ce que la personne bégaye? Ah, Medevi, how does somebody stammer? Medevi, comment est-ce qu'une personne bégaye? Teach us how. Enseigne-nous comment bégayer. Come here. Hallelujah. Yeah, that's what the Bible is saying. That's how you're supposed to speak in tongues. C'est comme ça. So you hear ba ba ba ba ba ba la la la la mo mo mo ke ke ke ka la la. Donc on entend ba ba ba mo mo mo. Repetition of two letters or three letters. La répétition de deux ou trois lettres. Yeah. That's the Holy Spirit. Ça, c'est le Saint-Esprit. And it sounds funny. Et ça semble drôle. Some of you start to laugh. Certains de vous allez commencer yeah. à rire. It's the Holy Spirit. C'est le Saint-Esprit. Hallelujah. And Bible says that, you know, God says that he will use wisdom. La Bible dit que Dieu va utiliser la sagesse. With simple things. Dans des choses simples. To confound the wise. Pour confondre les sages. Of this world. De ce monde. Yeah. That's one of the confusion for this world. C'est l'une des confusions pour ce monde. Yeah, because when you hear us speaking in tongues, they're like, ah, what are these people talking about? Mais non, parce que quand j'entends le parler en langue, je te dis, ah, mais c'est de quoi ces gens-là parlent? Sometimes they laugh at us. Parfois, ils se moquent de nous. They don't understand. Parce qu'ils ne comprennent they pas. They don't know. Ils ne savent pas. Yeah. Some of you, a lot of you have laughed at Christians who speak in tongues. C'est beaucoup d'entre vous, vous êtes moqués des chrétiens qui parlent en langue. It's true or it's not true. C'est vrai ou c'est faux? You have to ask for forgiveness. Vous devez demander pardon. Yeah. Because there's sin against the Holy Spirit. Parce que vous avez péché contre le Saint-Esprit. You're not forgivable. That's what the Bible says. So you have to be careful. Vous devez faire attention. Yeah. The sin against God. Le péché contre Dieu. It will be forgiven. Ce sera pardonné. But the sin against the Holy Spirit. Mais le péché contre le Saint-Esprit. God said it's not be forgiven. Dieu a dit que ce sera jamais pardonné. So when you see somebody doing something spiritual. Donc quand tu vois quelqu'un faire quelque chose de spirituel. If you don't understand, keep quiet. Si tu ne comprends pas, ferme la bouche. Are you here? Est-ce que vous êtes là? Yeah. Stammering. Bégayer. Stammering. Bégayer. Ba ba ba ba la la la la ba ba ba ba. And when you hear it, that's power. Et quand tu écoutes ça, c'est la puissance. That's power. C'est la puissance. That's power. C'est la puissance. To break things. Pour briser les to choses. Break, to cast out demons. Pour chasser les démons. Demons are afraid of it. Les démons ont peur de ça. Yeah. Hallelujah. Amen. And you know, the Bible, let's read 1 Corinthians. Maybe you will understand better. Lisons 1 Corinthiens, vous allez mieux comprendre. 1 Corinthiens, chapitre 14. 1 Corinthiens, chapitre 14. Open your Bible. Ouvrez vos Bibles. Verse 1. Verset 1. 1 Corinthians 14:1. Follow after charity, desire spiritual gifts. Okay, desire spiritual gift is a gift. C'est un don. Speaking in tongues is a gift. Parler en langue, c'est un don. Hallelujah. Amen. But rather that ye may prophesy. Hallelujah. Verse 2. For he that speaketh in an unknown tongue, speaketh not unto men, but unto God. For no man understandeth him. How be it in the spirit, he speak mysteries. 1 Corinthians 14, partie du verset 1. Et cherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Hallelujah. Amen. Yeah. So, when I'm speaking, you see, when somebody is speaking, donc, quand quelqu'un parle, and here somebody speaking in tongues, et quelqu'un parle en langue, the person is not speaking to you. La personne ne te parle pas à toi. So, why do you want to understand it? Donc, pourquoi est-ce que tu veux comprendre? And why are you criticizing? Why are you talking about it? Et pourquoi est-ce que tu critiques? Because the Bible said that he's speaking unto God. Parce que la Bible dit qu'il parle à Dieu. It's not to you. Et pas à toi. Stand up. J'espère que vous comprenez. Yeah. Because you are trying to, oh, what is the person thinking? I don't understand. This one is foolish. It's not speaking to you. Parce because que to dis, you, it's foolishness. Qu'est-ce que la personne dit? Je ne comprends rien. Ça, c'est stupide. Parce que c'est pour toi, c'est de la folie. Yeah. It makes sense. Ça n'a pas de sens. Hallelujah. Mm. Because no man understands. Parce que aucun homme ne le comprend. But in the spirit. Mais dans l'esprit. In the spirit. Mais dans l'esprit. In the spirit. Dans l'esprit. He speaks mysteries. Il parle de mystères. He speaks things. Il dit des choses. Trying to arrange things. Il essaie d'arranger les choses. You are trying to create things. Tu essaies de créer les choses. For your life. Pour ta vie. You are trying to create your marriage. Tu essaies de créer ton that mariage. That will come in 5 years. Ça va venir dans 5 ans. You are trying to create a good marriage. Tu es en train de créer un bon mariage. You are trying to do things. Tu essaies de faire des in choses. In the spirit. Dans le spirituel. You are trying to cast out demons. Tu essaies de chasser les démons. You understand what I'm saying? Mysteries. Les mystères. Powerful. Et c'est puissant. Yeah. That's why some of you are not strong. Voilà pourquoi certains d'entre vous n'êtes pas forts. Because you so pray in tongues. Because, même ceux qui prient en langue ne prient pas en langue. Yeah, you don't pray in tongues a lot. Tu ne pries pas beaucoup so en langue. So you are weak. Donc tu es faible. Read verse 3. Verset 3. But he that prophesies speaketh unto men to edification and exhortation and comfort. Let me tell you. You see, prophecy. Prophecy is preaching of the word. OK, la prophétie c'est dire la parole de Dieu. Yeah, it's talking about preaching. C'est la prédication. And prophecy speaking unto men to edification. Tu parles aux hommes pour l'édification. And exhortation. Et l'exhortation. And comfort. Et le confort. Yeah, that's prophecy. Ça c'est la prophétie. He that speaketh in an unknown tongue edify himself. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. And he that prophet edify the church. Et celui qui prophétise édifie l'église. Hallelujah. Amen. Are you here? Est-ce que vous êtes là? Are you here? Est-ce que vous êtes là? Do you understand the word? Vous comprenez les paroles? Understand the Bible? Vous comprenez la Bible? So if you speak in tongues, donc si tu parles en langue, you get up in the morning, you don't feel like going to church. Tu te lèves le matin et tu n'as pas envie d'aller à l'église. You get up in the morning, you don't feel like doing anything. Tu te lèves le matin, tu n'as envie de rien faire. Commence juste. Kala shambro stele bebe kele shamba antele bro stele bebe le bebe kele shamba. You will feel some energy inside. Tu vas ressentir de l'énergie à l'intérieur. You feel it. Tu vas ressentir you ça. Feel it. Tu vas le sentir, l'énergie, et tu seras fortifié. Yeah. Hallelujah. Amen. Are you here? Est-ce que vous êtes là? Yeah. How you can be helped by praying tongues? Comment est-ce que tu peux être aidé en priant en langue? Priant en langue. I would rather that you speak with tongues, but rather that you prophesy. For greater is he that prophesies than he that speaketh in tongues. Except he interpret that the church may receive edification. Verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'église ne reçoive l'édification. Yeah. You know why he's saying that prophecy is greater? Est-ce que vous savez pourquoi on dit que la prophétie est plus grande? Yeah, because when I prophesy, it helps a lot of people. Parce que quand je prophétise, ça aide beaucoup de personnes. But when I speak in tongues, it's me alone. So quand je parle en langue, c'est moi seul. That's why I say that prophecy will edify a lot of people. Alors pour dire que la prophétie va édifier beaucoup de personnes. Mais prier en langue, c'est moi seul. Yeah, that's why I say that prophecy is greater. Alors pour dire que la prophétie est plus grande. Hallelujah. Amen. Verse 17-18. For thou verily giveth thanks well, but the other is not edified. Verse 18. I thank my God. I speak with tongue more than you all. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Alléluia. Amen. Paul was talking. Paul parlait. All the people that he knows. Toutes les personnes qu'il connaissait. All the churches that he started. Toutes les églises qu'il avait commencées. All the Christians that he knew at that time. Tous les chrétiens qu'il connaissait à ce temps. He spoke in language more than all of them. Il parlait en langue plus que tous. You see how speaking in tongues is very important. Vous voyez comment parler en langue est très important. Very, very important. Très très important. Very, very important. Très très important. And when you speak in tongues, et quand tu parles en Bible langue, says that you will thank God better. La Bible dit que tu vas remercier Dieu de manière excellente. Yeah, plus, better than even your own words. Meilleur qu'avec tes propres mots. Hallelujah. Amen. That's why when they say, oh, let's thank God, some people start speaking in tongues. Là, parfois quand on dit remercions Dieu, certains commencent à parler en langue. Yeah. Verse 14. Verset 14. Say verse 14. For if I pray in an unknown tongue, my spirit prayeth, but my understanding is unfruitful. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Yeah. When I pray in tongue, it's my spirit who is praying, no? Quand je prie en langue, c'est mon but esprit qui prie. But my understanding is not praying. Mais mon intelligence ne prie pas. Yeah. That's why I can be praying in tongues and reading the Bible. Voilà pourquoi je peux prier en langue et lire la Bible. Because my understanding is reading the Bible, but my spirit is praying. Parce que mon intelligence lit la Bible et mon esprit prie. I can be walking on the way speaking in tongues. Je peux marcher. I can be driving speaking in tongues. Je peux conduire et parler en langue. Because my understanding is driving, thinking about where to pass, but my spirit is praying in tongues. Parce que mon intelligence réfléchit sur où passer, mais mon esprit prie en langue. Hallelujah. Amen. Are you here? Si vous êtes là. Acts chapter 2, verse 4. Acts 2, 4. Wow. Are you being blessed? Vous êtes béni. Acts chapter 2. Acts 2. Acts chapter 2. Okay. Acts chapter 2, verse 4. Verset 4. When you read the book of Acts, chapter 2, chapter 8, chapter 9, chapter 10, you see a lot about people speaking in tongues. Quand vous lisez le livre des Actes, à partir du verset 2, chapitre 8, chapitre 10, vous allez voir beaucoup de choses sur les personnes qui parlaient en langue. Alléluia. Amen. Are you here? Acts chapter 2. Can you read it if you are there? Acts chapitre 2, verset 4. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. And they were all filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues. As the Spirit gave them utterance. Amen. Wow. Who want to pray in tongues? Qui veut prier en langue? Want to speak in tongues? Je veux parler en langue. Maybe you don't speak in tongues, but you want to speak. You want it. Peut-être tu ne parles pas en langue, mais tu le désires. Ah, hallelujah. Amen. Yeah. The first thing. La première chose. Is to be born again. C'est d'être né de nouveau. Yeah. And the second thing et la deuxième chose, is to confess your sins. C'est de confesser tes péchés. Hallelujah. Confess your sins. Confesser tes péchés. Amen. Amen. Are you here? Êtes-vous là? Yeah. The third thing et la troisième chose, is to pray for the Holy Spirit. C'est prier pour le Saint-Esprit. Luke chapter 11, verse 13. Luke 11, verset 13. Luke 11, verse 13. Luc 11, 13. Are you here? Vous y êtes? Oh, when I'm talking, you respond to me, okay? When I ask quand je parle, répondez. Or you want to go home? Vous voulez rentrer à la maison? Hallelujah. It's very important you confess your sins. C'est très important de confesser ses péchés. Because the Holy Spirit doesn't like impurities. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas l'impureté. Yeah. So, ask for the blood. Donc tu as besoin de demander le sang. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. To wash. De laver. And to cover you. Et de te couvrir. Hallelujah. Amen. Then it's clean, the Holy Spirit can come. Et c'est propre, le Saint-Esprit peut venir. Amen. Yeah, so Luke chapter 11 verse 13 says what? Donc Luke 11, 13. If ye then, being evil, know how to give good gifts unto your children, how much more shall your Father, Heavenly Father give the Holy Spirit to them that ask him? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Hallelujah. Amen. Are you here? Yeah, so when you ask the Holy Spirit, donc quand tu demandes le Saint-Esprit, that's one of the things that God has promised that you give specifically. C'est l'une des choses que Dieu a promis qu'il va donner spécifiquement. Yeah. In the Bible, you see God ask that if you ask for money, I'll give you money. Tu n'as pas vu dans la Bible que Dieu a dit si tu me demandes l'argent, je vais te donner de l'argent. But the Holy Spirit specifically. Mais le Saint-Esprit spécifiquement. Yeah, he will give. Il a dit il va donner. So if you believe. Donc si tu crois. And you ask. Et tu demandes. God will give you. Dieu va te donner. Hallelujah. Amen. Yeah. The fourth thing. La quatrième chose. You need to open your mouth. Tu dois ouvrir ta bouche. And speak et parler to God. À Dieu. Open your mouth and speak. Ouvre ta bouche et parle. Hallelujah. Amen. Acts chapter 2 verse 4. That's what we just read. Acte and 4. They were all filled with the Holy Ghost and began to speak. They spoke. Ils étaient remplis du Saint-Esprit et ont commencé à parler. Ils ont Hallelujah. Parlé. Amen. Amen. Amen. Nobody will come and speak it for you. Personne ne viendra parler ça pour toi. It's you who speak. C'est toi qui vas parler. Yeah. Because sometimes when the Spirit is giving, said, as the Spirit gave you utterance. On a dit comme le Saint-Esprit te donne de t'exprimer. Yeah, the Spirit gives you utterance. Le Saint-Esprit te donne de t'exprimer. Hallelujah. Amen. The Spirit gives you the urge to speak. Le Saint-Esprit te donne l'envie de parler. To speak something. De dire quelque chose. Yeah. So the Spirit will not speak for you. You will have to speak. Donc that. Le Saint-Esprit ne va pas parler pour toi, mais toi-même tu devras Because parler. Because some people they are just there to say, Holy Spirit, come and speak. No. Que certains sont juste là. Saint-Esprit, viens parler. Non. No. You will speak it. Non, toi tu vas parler. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. You will feel the edge. You will feel that there's something that you say something that doesn't make sense. Tu auras l'impression de vouloir dire quelque chose qui n'a pas de sens. Yeah, that's the Holy Spirit. Ça, c'est le Saint-Esprit. You just say it. Tu le dis juste. Just say it. Dis-le. Yeah, like children. Comme des enfants. Mama, mama, mama, mama, papa, papa. Mama, papa, mama, papa. Yeah. That's how you learn to speak. And you learn, that's the first things. Ça, c'est les premières choses qui vont venir. That first two letters. Ces deux premières lettres. Can be be be be. Can be le le le. Can be re re re. Can be anything. Ça peut être n'importe quoi. It depends on what the Holy Spirit is giving you. Ça dépend de ce que le Saint-Esprit te donne. Hallelujah. Amen. Are you here? Vous êtes là. Are you here? Vous êtes là. Because some of you who pray now, some of you, the Spirit will give you the utterance. And you will not say it. Certains d'entre vous, le Saint-Esprit va vous donner de parler, mais vous n'allez pas le dire. Yeah. You will not say it. Because you think that it's not... You think that it's not that. Parce que tu as pensé que c'est pas ça. Are you here? Vous êtes là. Yeah. Yeah. In some cases. Et dans certains cas. The Holy Spirit just take over. Le Saint-Esprit prend juste le contrôle. And you'll not be conscious of yourself. Et tu ne seras pas conscient de toi-même. Yeah. That one too happen. Ça aussi, ça arrive. But most of the time, you'll be conscious. Mais la plupart des cas, tu seras conscient. And the Spirit will give you utterance. You have the edge to say, et tu auras to le say désir something. De dire quelque chose. Hallelujah. Amen. Are you here? Yeah, I'm bringing you to. It's not something that is so mysterious. C'est pas quelque chose qui est si mystérieux. That you alone you cannot speak in tongues. Que toi seul tu ne peux pas parler en langue. Oh. Ou bien. Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous comprenez? I'm speaking to somebody. Je parle à quelqu'un. Yeah. Sometimes we have to lay hands on you. On devra vous imposer les mains. Yeah, I have to lay hands on you. Vous imposer les mains. For the Holy Spirit to come. Pour que le Saint-Esprit vienne. For you to speak in tongues. Pour vous parler en langue. Hallelujah. Amen. Yeah. Acts chapter 8 verse 18. Acte 8 verset 18. Acts chapter 8 verse 18. Acte 8 18. And when Simon saw that through laying on of the apostles' hands, the Holy Spirit was given, and he offered them money, saying, give me also this power, that whosoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Yeah. He thought that when you pay for it, then you get it. Il pensait que quand tu payes pour ça, tu l'auras. Hallelujah. Amen. Yeah, it's given freely. C'est donner librement. If you believe, si tu crois. If you want it, si tu le veux. Because for the Holy Spirit will not force me. Parce que le Saint-Esprit ne va pas te forcer. Yeah, he will not force you. If you don't want, he will not come. Si tu ne veux pas, il ne va pas venir. But if you want it, he will come. Mais si tu veux, il viendra. Hallelujah. Amen. And you need to pray until you receive it. Et tu dois prier jusqu'à ce que tu le reçois. Do not be discouraged. Ne sois pas découragé. Hallelujah. Amen. Because sometimes the first time it won't come. Parce que parfois la première fois ça ne vient pas. Tu vas essayer plusieurs fois. It took me a long time, more than a year. Moi ça m'a pris plus d'un an. Before I started to speak in tongues. Avant de commencer à parler en langue. Hallelujah. Amen. Yeah, a lot of people, it takes them a lot of time. Beaucoup de personnes ça prend beaucoup de temps. Come to church, they give their life. Now they are receiving the Holy Spirit. Certains la première fois qu'ils viennent à l'église et qu'ils donnent leur vie, ils reçoivent le Saint-Esprit aussi. Yeah, they start to speak in tongues. Ils commencent à parler en langue. Yeah, it's mysterious. C'est mystérieux. Hallelujah. Amen. I hear. Yeah, and you need to persist. Et vous devez persister. Luke chapter 11 verse 5. Luc 11 5. Luke 11 verse 5. You have to persist. Luc 11, 5, tu dois persister. If you desire it and you want it, you need to persist. Si tu désires et tu veux, because tu dois persister. Because sometimes it will not just come so easily. Mais ça ne viendra pas aussi facilement que ça. I tell you, Luke chapter 11, verse 5, I tell you, even though he will not get up and give him anything because he is his friend, yet because of his persistence, he will get up and give him as much as he needs. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Yeah, persistence there is importunity. La persistance ici, c'est l'importunité. Hallelujah. Amen. And you persist. Tu persistes. You receive it. Et tu vas recevoir. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. John chapter 7 verse 38. We are going to pray very soon. Jean 7 verset 38. He that believeth on him, on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living waters. But this spake he of the Holy Spirit, which they shall believe on him, they that shall believe on him shall receive. For the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Acts chapter 7 verse 38, 39. Acts 7, 38, 39. So Acts, John 7. Jean 30, 7. Yeah. John 7, 38, 39. Jean 7, 38, 39. Yeah, John, sorry. Jean. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Hallelujah. Amen. Sometimes the Bible calls it the flow of rivers. La Bible appelle ça le the flow of river. Le coulement des rivières. Yeah, the flow of river. As you speak in that, blah, blah, blah, blah, blah, it's like a flow of water. Quand tu parles comme ça, c'est comme un coulement de l'eau. Of rivers. C'est comme si des rivières qui coulent. Yeah. And what does it mean? It's the river, when there's a flow for river, quand it refreshes. Quand il y a de l'eau qui coule, ça rafraîchit. The environment where the river is. L'environnement où la rivière se trouve. Is it true or is it not true? C'est vrai ou c'est faux? Yeah, like here, if you come and water here right now. Ici, par exemple, vous venez arroser ici. The place will be refreshed. Ce sera rafraîchi. Are you here? Vous comprenez? It's the same thing as you speak in tongues. Blah, blah, blah, blah, blah, blah. 1 hour, 10 minutes, 1 hour, 2 hours. You see that you are refreshed. After you are refreshed. La même chose, tu dois parler en langue pendant longtemps, 1 heure 30 minutes, et tu verras que tu seras rafraîchi. Hallelujah. Amen. That's when you receive a blessing. C'est là où tu reçois une bénédiction. Yeah, because some people start speaking tongues and they leave it. Parce que certains commencent à parler en langue et abandonnent. And they don't speak again. Et ils ne parlent plus. Hallelujah. Amen. You will not be blessed. Tu ne seras pas béni. But when you start speaking tongues, mais quand tu commences à parler en langue, or you speak, you have the gift, ou tu as le don, speak. Parle. Speak in tongues. Parle en langue. 10 minutes, 20 minutes, 40 minutes. That's when you receive a blessing. C'est là où tu vas recevoir une bénédiction. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Are you here? Vous êtes là. Yeah. Yeah. Yeah. As you speak in tongues, let me share some few things as we're going to pray. Je vais partager quelque chose alors que nous prions. Yeah. Nous prier. I said when you speak in tongues, you charge yourself like a battery. J'ai dit quand tu pries en langue, tu te charges comme une batterie. Yeah, when you speak in tongues, you are immediately inspired by the Holy Spirit. Quand tu pries en langue, tu es immédiatement inspiré par le Saint-Esprit. Amen. Amen. That Acts chapter 2 verse 4, what we read. You are Acte inspired 4. By the Holy Spirit. Tu es inspiré par le Saint-Esprit. When you pray in tongues, you are directed by the Holy Spirit. Quand tu pries en langue, tu es dirigé par le Saint-Esprit. Yeah, because you don't know tomorrow. Parce que tu ne connais pas demain. You don't know what will happen in school. Tu ne sais pas ce qui va se passer à l'école. Maybe you are going to have an accident, you don't know. Peut-être tu auras un accident, tu ne sais pas. So you won't pray that God deliver me from accident. Donc tu ne vas pas demander à Dieu délivre-moi de l'accident. But as you speak in tongues, mais alors que tu pries en langue, the Holy Spirit that is speaking in tongues, le Saint-Esprit qui parle en langue, helping your spirit speak in tongues, il aide ton esprit à parler en langue. And they know that you are going to have an accident. The devil has put something on the way. Et ils savent que le diable a mis quelque chose sur le so chemin. So the Spirit directs your prayer. Donc l'esprit dirige ta prière. Are you here? Est-ce que vous êtes là? You understand? Vous comprenez? Yeah. I think that speaking in tongues is one of the most important for a Christian to have. Je crois que parler en langue c'est l'une des plus les choses les plus importantes pour un chrétien. Yeah. Because a lot of things happen that we don't know about. Parce que beaucoup de choses se passent et nous ne sommes pas au courant. Hallelujah. Amen. Are you here? Are you here? Vous êtes là? Do you want to pray in tongues? Est-ce que vous voulez prier en langue? Ah, please, let's stand up. Levons-nous. Hallelujah. The Holy Spirit is here to baptize you. Le Saint-Esprit est là pour te baptiser. We call it the baptism of the Holy Spirit. Nous appelons ça le baptême du Saint-Esprit. It's different from the baptism of water. C'est différent du baptême d'eau. Yeah, the Holy Spirit himself will baptize you. Le Saint-Esprit est là pour te baptiser. And you begin to speak in tongues. Et tu vas commencer à parler en langue. Hallelujah. Amen. I'm forever grateful. Sois ma reconnaissance. Jésus, oh, pour la croix, reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Lève les mains et adore le Seigneur. Ma reconnaissance, Jésus. Jésus. Pour ta venue. Pour ta venue. Ton esprit. Ton esprit, ton salut, oh, ma reconnaissance, oh Jésus, Jésus, oh, sois ma reconnaissance, pour la croix, pour la croix, oh, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue. Ton esprit, oh. Ton esprit, ton salut. Est-ce que tu peux commencer à remercier le Seigneur pour son esprit? Son esprit, merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit que tu as donné pour nous aider, pour nous aider dans nos faiblesses. Seigneur, nous sommes limités. Alléluia. Alléluia. Amen. Peut-être que tu es ici, tu n'es pas né de nouveau. Je veux te donner l'opportunité de donner ta vie à Dieu pour que tu reçoives le Saint-Esprit ce soir. Fermez, s'il vous plaît. Les yeux fermés. Tu n'as pas le salut. Tu n'as pas pris une décision de dire, Seigneur, je veux te donner ma vie. Mais ce soir, tu veux dire, pasteur, prie pour moi. Je veux donner ma vie à Dieu. Si tu es là, est-ce que tu peux lever la main? Merci, ma soeur. Merci. Merci. Qui aussi veut donner sa vie à Dieu ce soir? Qui veut donner sa vie à Dieu? Je veux donner. Tu as levé la main, mon frère. Si tu as levé la main, est-ce que tu peux venir devant ma prière? Viens, ma prière. Tu as levé la main. Tu as levé la main. Alléluia. On va prier. Alléluia. Tu répètes après moi, dis Seigneur, ferme les yeux. Seigneur, je te remercie. Ce soir, je reconnais que j'ai besoin de toi. Merci pour avoir donné Jésus. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le salut. Ce soir, je décide de te donner toute ma vie. Seigneur, je crois que tu as envoyé ton Fils pour me sauver. Seigneur, merci. Pardonne-moi tous mes péchés. Écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, merci. Merci pour ton esprit. Ce soir, donne-moi ton esprit. Remplis ma vie par ton esprit. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Bonsoir. Alléluia. On va prier. Si tu ne pries pas en langue, lève ta main. Ferme les yeux. Voulons prier, demander pardon ce soir. Tout le monde. Tout le monde demande pardon. Tout le monde lève les mains. Et prie à Dieu ce matin. Prie Dieu pour te pardonner. Pour te laver avec le sang. Le Saint-Esprit vient après que le sang t'est lavé. Saint-Esprit, merci. Seigneur, merci pour le sang de Jésus. Lave-nous ce soir de nos péchés, de nos iniquités. Seigneur, on a menti, on a volé, on a fait du mal. Seigneur, on a pensé nos pensées dans le cœur, Seigneur. On a utilisé les mains, les yeux, le corps à faire du mal. Seigneur, ce soir, pardonne-nous. Lave-nous, Seigneur. Lave-nous une fois. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci pour le pardon. Merci. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci, pardonne. Aie pitié de nous. Aie pitié. Seigneur, merci. On a besoin de toi, on a besoin du Saint-Esprit. Et ce soir, nous avons besoin du sang pour nous laver. Nous avons besoin de ton pardon, Seigneur. Merci. Oh, les bros, c'est les bas. Seigneur, merci. Rastez les beaux, que les membres, c'est les bas. Seigneur, merci. Merci. Merci. Amen. Amen. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous voulons prier. Alléluia, nous voulons prier. Fermez les yeux, lève les mains. Si tu ne pries pas en langue, lève les mains. Ce soir. Si tu pries en langue, je veux que tu pries en langue. Commence à prier en langue. Commence à prier en langue. Bro, célébra. Antélébro, célébé. N'aie pas honte des paroles qui sortent de ta bouche. C'est la puissance des mystères qui sort. Bro celeba kalama bro celebe kele shamba. Antele bro celebe kele bro. Si tu ne pries pas en langue, demande le Seigneur. Prie, demande le Seigneur. Que tu as besoin de ce don de parler en langue. Comme les chrétiens dans le livre de Actes chapitre 2. Chapitre 8. Oh les bro celeba kalama bro celebe. Demande. Oh les bros, c'est les babas, que les chambros, c'est les babas. Ante les bros, c'est les bébés, que les babros, c'est les babas, la baba. Oh, ta parole dit, lorsque nous prions en langue, nous disons des mystères. Bros, c'est les bébés, que les chambros, c'est les babas, la baba. Ante les bros, c'est les bébés, les bébés, que les bébés, les bébés. Et que les bros, c'est les bébés, que les bébés, les bébés, que les bébés, les bébés. Ante les bros, c'est les babas, que les chambros, c'est les babas, la baba. Et que les mabros, c'est les bébés, que les chambros, c'est les mabras, la baba. Ante les bros, c'est les bébés, que les bros, c'est les bébés, que les bros, c'est les bébés. Oh, la présence de Dieu est ici ce soir. Bros, c'est les bébés. Et que les mabros, c'est les bébés, les bébés, les bébés. Allez, bros, c'est les bébés, les bébés, les bébés. Tu seras baptisé ce soir. Tu seras baptisé, le baptême du Saint-Esprit. Allez, bros, c'est les bébés, que les chambros. Oh, les bros, c'est les bébés, que bébés, les bébés, que bébés, les bébés. Allez, bros, c'est les bébés, que bébés, les bébés, que bébés, les bébés. Allez, ma bros, c'est les mamans, que les chambros, c'est les mamans, la maman. Et que les bros, c'est les bébés, que bébés, les bébés, que bébés, les bébés. Allez, ma bros, c'est les mamans, que les chambros, c'est les mamans, la maman. Oh, des mystères, des mystères. Personne ne comprend. Même le diable ne comprend. Oh, les bros, c'est le baba. C'est le baba. Oh, il ne comprend rien. Bro, c'est le bébé. Que bébé, le bébé. Ah, t'es le bros, c'est le bébé. Que bébé, le bébé. Que bébé, le bébé. Et que les bros, c'est le bébé. Que bébé, le bébé. Nous le combattons, mais il ne comprend rien. Ah, nous le combattons. Les démons, nous les combattons. Le diable, nous le combattons. L'ennemi, nous le combattons. Mais ils ne comprennent rien. Oh, parce que nous disons des mystères. C'est Dieu seul qui comprend. Ah, les bros, c'est le bébé. Que les chambros, c'est le baba. Et que les bros, c'est le bébé. Que bébé, le bébé. Oh, les bros, c'est le bébé. Que bébé, le bébé. Nous nous édifions ce soir. Nous qui sommes faibles, nous nous édifions. L'édification arrive. Entre les bros, c'est le bébé. Que les chambros. Entre les bros, c'est le bébé. Que bébé, le bébé. Que bébé, le bébé. Entre les mambros, c'est le baba. Que les chambros, c'est le baba. Et que les bros, c'est le bébé. Que bébé, le bébé. Oh, les bros, c'est le bébé. C'est les bros, c'est le bébé, que bébé, le bébé. Et que les mambros, c'est le bébé, que bébé, le bébé. Et que les mambros, c'est le baba, que les chambros, c'est le baba. Entre les bros, c'est le bébé, que bébé, le bébé. Et que les mambros, c'est le baba, la baba. Ah, les bros, c'est le bébé, que bébé, le bébé. Oh, Seigneur, donne le don de parler en langue. Oh, le baptême du Saint-Esprit ce soir. Oh, le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. Allez, bro, c'est le bébé, que les babas, la baba. Y'a que les mambros, c'est le baba, que baba, la baba. Entre les mambros, c'est le bébé, que bébé, le bébé, le bébé. Y'a que les mambros, c'est le baba, que la mambros, c'est le bébé, le bébé. Y'a que les mambros, c'est le bébé, le bébé, le bébé. Y'a que les mambros, c'est le bébé, le bébé, le bébé, le bébé. Y'a que les bébé, le bébé, le bébé, le bébé, le bébé. Entre les mambros, c'est le bébé, le bébé, le bébé, le bébé. Y'a que les mambros, c'est le bébé, le bébé, le bébé. Y'a que les bébé, le bébé, le bébé, le bébé, le bébé, le bébé, le bébé. Que les mambros, c'est les babas, que les chambos. Entre les bros, c'est les bébés, les bébés. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est. Continue à prier. Il est parmi. Il est là, bros, le bébé, le bébé, le bébé. Il est bros, le bébé, le bébé, le bébé, le bébé. Il est bros, le bébé, quel est son bros, le bébé, la maman. Attends, bros, le bébé, le bébé, le bébé, le bébé, le bébé, le bébé. Il est bros, le bébé, le bébé, le bébé, le bébé. Il est bros, le bébé, le bébé, le bébé, le bébé. Il est bros, le bébé, le bébé, le bébé, le bébé. Il est bros, le bébé, le bébé, le bébé, le bébé. Il est bros, le bébé, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous, il est parmi nous. Il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Vous allez sentir l'envie de dire quelque chose qui n'est pas ta langue. L'envie de dire quelque chose qui est... Oh, c'est le Saint-Esprit qui te donne cette envie. Commence à ouvrir ta bouche et à commencer à parler. Oh, même si tu n'as pas de sens, c'est le Saint-Esprit. Il te donne les paroles, bros, c'est les bas. Entre les bros, c'est les bas, que les bros, c'est les bas. Entre les bros, c'est les bas, que les bros, c'est les bas, que les bros, c'est les bas. Entre les bros, c'est les bas, que les bros, c'est les bas, que les bros, que les bros, c'est les bas. Le Saint-Esprit. Ah, les bros, c'est les babas, kababala la baba, kababala la baba. Allez, bros, c'est les babas, Saint-Esprit, merci. Allez, bros, c'est les bébés, que bébé, le bébé, que bébé, le bébé. Oh, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Brosse les mamas, qu'elle est chambo. Ante les brosse les bébés, que bébé les bébés. Qu'elle est ma brosse les bébés, que bébé les bébés. Et qu'elle est bébé les bébés, les bébés, les bébés. Et qu'elle est ma brosse les mamas, que bébé les mamas. Oh, il est là, brosse les bébés, les bébés. Qu'elle est bébé les bébés, que bébé. Et que les mambros se les mamas, que les chambros se les mamas. Et que les mambros se les mamas, que les chambros se les mamas. Oh, les bros se les mamas. Oh, les bros se les mamas. Oh, les bros se les bébés, les bébés. Et que les mambros se les mamas, que les chambros. Et que les bros se les bébés, que bébés, les bébés, que bébés, les bébés. Ante les bros se les bébés, le Saint-Esprit est là. Oh, les bros se les bébés, que bébés, les bébés. C'est le Saint-Esprit qui te baptise au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il te donne le don de parler en langue. Le don de parler en langue. Le don de parler les mystères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, brosse les bébés, que bébé les bébés, que bébé les bébés. Commence à parler. Commence à parler. Commence à parler. Et que les mambros, que les chambros. Ante les brosse les mamas, que les chambros. Et que les mambros, les bébés, les bébés. Et que les mambros, c'est les mamas, que les chambros. Et que les mambros, c'est les mamas, que les mambros, c'est les bébés. Et que les bébés, les bébés, les bébés. Et que les mambros, c'est les mamas, que les chambros. Les bros, c'est les bébés, les bébés, les bébés. Et que les bébés, les bébés, que les bébés, les bébés, les bébés. Et que les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Oh, le Saint-Esprit est là. Les mystères, les mystères, les mystères, les mystères, les mystères. Au nom de Jésus, les mystères. Et que les mambros, c'est les mamas, qu'à la maman. Ante les bras, ante les mamas, que les chambos. Et que les bros, c'est les bébés, les bébés. Allez, bros, c'est les mamas, la maman. Et que les bébés, les bébés, les bébés. Oh, il est là, il est là, il est là. Pour te remplir de puissance. Au nom de Jésus. Allez, bras, c'est les mamas, que les chambos. Et que les mambros, c'est les mamas. Et que les mambros. Oh, les bros, c'est les mamas, que les chambas. Et que les mambros, c'est les mamas. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Bros, c'est les bébés. Et que les bros, c'est les mamas, que les chambas. Et que les mambros, c'est les mamas. Et que les mambros. Oh, bros, c'est les mamas. Laisse le fleuve couler. Laisse le fleuve couler. Allez, bros, c'est les mamas. Allez, les bros, c'est les bébés, que les chambas. Et que les mambros, c'est les mamas. Ante les bros, c'est les mamas, que les chambas. Et que les mambros, c'est les bébés, les bébés. Oh, reçois. Reçois. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que les mambros, c'est les mamas. Ante les bros, c'est les bébés, les bébés. Et que les mambros, c'est les mamas, les mamas. Et que les bébés, les bébés. Et que les bébés, les bébés, les bébés. Et que les bébés, les bébés, les bébés. Allez, bros, c'est les mamas. Oh, le Saint-Esprit. Oh, le mystère, mystère. La puissance. Le don. Le don. C'est l'Esprit lui-même qui te baptise. C'est l'Esprit lui-même. C'est l'Esprit lui-même. Au nom de Jésus. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Allez, bros, c'est les mamas. Que les chambres. Et que les mamas, c'est les mamas. Forever grateful. I'm forever grateful. Reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance. Doucement. Sois les mystères pour chasser les démons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que les bros, c'est les mamas, que les chambres. Oh, les bros, c'est les mamas. Pour faire les batailles spirituelles au nom de Jésus. Ah, les bras, c'est les mamas. Les mamas, la mama. Et que les mamas, c'est les bébés, les bébés. Ante les bros, c'est les mamas, la mama. Ante les bros, c'est les bébés, les bébés, les bébés. Et que les mamas, c'est les mamas, la mama, la mama. Ante les bros, c'est les mamas, la mama. Jesus. Ah, le bros, le bébé, que les chambres. Oh, le bros, le maman, que les chambres. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, est-ce que vous pouvez commencer à remercier le Seigneur? Remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Oh, Lord, we thank you. Seigneur, we thank you. Lord, we thank you. Seigneur, merci. Oh, l'imbrose, le Saint-Esprit est là. Ferme les yeux, lève les mains, dis merci. Pour le Saint-Esprit, lève les mains, dis merci. Pour le Saint-Esprit. Ah, les bros, les bébés, les bébés. Ike les mabros, les babas, que les sambos. Ante les bros, les babas, que les sambos. Ike les mabros, les babas, que les sambras, les babas. Oh, les bros, les babas, calababros, les babas, la baba. Oh, reçois ce baptême. Reçois ce don pour faire la bataille spirituelle. Pour chasser les démons. Oh, les bros, les babas. Et que les mabros, les babas, que les sambos. Reçois de l'édification. Au nom de Jésus. L'édification spirituelle. Ante les bros, les babas. Et que les mabros, les babas, que les sambos. Ante les bros, les bébés, que les bébés, les bébés. Et que les bros, les babas, que les sambas. Ante les bros, les bébés, les bébés. Et que les mabros, les babas, que les sambras. Et que les mabros, les bébés, les bébés. Oh, édification spirituelle. Oh, les bros, les mamas, que les chameaux. L'onction pour faire les batailles spirituelles, au nom de Jésus. Ah, les bros, les bébés, que les mabros, les mamas. Ante les bros, les bébés, que les bébés, les bébés. Ante les bros, les mamas, que les chameaux. Oh, les bros, les mamas. L'onction spirituelle, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, les bras, les babas, que les sambos. Ante les babros, les babas, que les sambas. Et que les babros, les bébés. Oh, Seigneur, merci. Merci. Merci. Merci. Oh, pour le baptême spirituel. Au nom de Jésus. Ah, les bros, les babas, que les sambos. Oh, Saint-Esprit, toi-même. Baptise ta fille. Oh, les bros, les babas. Et que les bros, les babas, que les chambos. Ante les bros, les babas, que les chambras, les babas. In the name of Jesus. Et que les mabros, les bébés, que bébés, les bébés. Ante les mabros, les babas, que les chambos. Et que les mabros, les bébés, que bébés, les bébés, que bébés, les bébés. Oh, les bros, les bébés, que bébés, les bébés. L'onction, bros, les babas. Et que les mabros, les babas, que bébés, les babas. Reçois le Saint-Esprit pour édification, édification spirituelle de ton intérieur spirituel au nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Et que les mabros et les babas que les sambos. Ante les bros et les bébés que bébés les bébés. Et que les mabros et les babas que les sambos. Ante les bros et les bébés que bébés les bébés. Et que les mabros et les babas que les sambos. Et que les mabros et les bébés que bébés les bébés les bébés. Et que les mabros et les babas. Levez les mains. Fermez les yeux. Dis merci. Dis Seigneur, Saint-Esprit, remplis-moi d'une haute dimension. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux demander le Saint-Esprit? Oh Seigneur, merci. Brosseleba, Kalamabro. Une autre dimension. Une autre dimension pour surmonter les tentations. Pour surmonter les moments difficiles. Au nom de Jésus. Les mystères. Les mystères. Allez, brosseleba. Allez, brosseleba, les bébés. Une autre dimension. Allez, ma brosseleba, que les chambos. Ike les mabros et les babas, que les chambres, c'est les babas, la baba. Ike les mabros et les bébés, que bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Allez, bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Ike les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Ike les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Oh, les bros et les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Ike les mabros et les babas, la baba, la baba. Y'a que les bros et les bébés, que bébés, les bébés, les bébés. Et que les mabros et les babas, que les chambos, les bébés. Ante les mabros et les bébés, que bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Yeah, nous avons besoin de... Oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oh, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de Dieu. Oh. Viens, Esprit de Dieu. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. Oh. Viens, Esprit de Dieu. Le feu de rivière, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yes, yes, yes. Another level. Another level. another infilling. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Oh Lord, thank you. In the name of Jesus. He can have brought Mama Karasabro. Another level of your anointing, Lord. Another level. Another level. Another level. Another level. In the name of Jesus, let a river flow from the belly, from the belly. Let mysteries flow in the name of Jesus. Oh Lord, deposit power, deposit anointed in the name of Jesus. Oh Lord, thank you. Father, we thank you. Father, we bless you. In the name of Jesus. Oh Lord, we bless you. Levez les mains. Dites merci. Remerciez le Seigneur. Remerciez le Seigneur. Oh Father, we bless you. Father, we bless you. Oh Lord. Oh Lord. Oh Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Oh, Father, we thank you. Father, we thank you. Give you glory. Hallelujah. Hallelujah. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Si Dieu, je ne t'ai pas touché, tu peux venir devant ma prière. Si je ne t'ai pas touché, viens. Si je ne t'ai pas touché, viens. Continuez à prier, s'il vous plaît. Continuez à prier. Brosse les mamans, la maman. Yéke les mamans, brosse les mamans, la maman, la maman. Oh, les brosse les mamans, la maman. N'arrête pas. N'arrête pas de prier parce que parfois il y a des démons aussi qui sortent. Qui sortent. Les démons sortent parfois. Et donc si tu n'es pas dans l'esprit, ce n'est pas bon. Donc sois dans l'esprit, prie. Oh, les bros, c'est les mains, calamam, bros, c'est les mains, calamam. Name of Jesus. In the name of Jesus. Allez, bros, c'est les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. In the name of Jesus, brosse les mamans la maman. Oh Seigneur, fortification, pas le baptême du Saint-Esprit. Oh, pas l'onction, brosse les bébés, les bébés. Ikele ma brosse les mamans, calama brosse les mamans la maman. Ikele ma brosse les bébés, que bébé, les bébés. Oh, les brosse, besoin de toi. Toi qui soumets, brosse les mamans. Toi qui soumets, brosse les bébés, les bébés. Toi qui soumets, brasse les mamans, que les chambos. Ike les mamans, les mamans. Ike les brosse les bébés, que les mamans, brosse les mamans. Ike les mamans, brosse les mamans, que les mamans, brosse les bébés. Ike les bébés, les bébés. Ike les mamans, brosse les mamans, que les chambos, brosse les bébés, les bébés. Ike les mamans, brosse les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Allez, ma brosse les bébés, que bébé, les bébés, les bébés. Remplis-le, brosse les mamans, de ta puissance, c'est les bébés, les bébés. Ikele, ma brosse les mamans, la maman. Allez, ma brosse les bébés, que les brosse les bébés, que les brosse. Ikele, ma brosse les bébés, les bébés. Il est ma belle, les bébés, les bébés, les bébés. Il est bébé, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés, les bébés. Oh, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Donne-nous les brosses et les mamans. Cette onction, oh le jeu, ce baptême du Saint-Esprit. Oh, une autre dimension pour combattre l'effort des ténèbres. Au nom de Jésus, une autre dimension pour combattre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Brossez les bébés, et que les mamans brossez les mamans, et que les brossez les bébés, les bébés, et que les brossez les bébés, les bébés, et que le brose le baba, ale brose le bebe le bebe, y que le mabrose le baba, y que le mabrose le baba, y que le mabrose le baba, y que le mabrose le baba, y que le mabrose le baba, y que le mabrose le bebe le bebe. Oh le mo, oh Señor, rempli, rempli, rempli, rempli, rempli, rempli. Rempli, rempli, rempli, rempli, rempli, brosse le baba, que le chambre, y que le mambro se le baba, y le mambro se le bebe, le bebe. Oh, Saint-Esprit, merci, merci, merci, allez, brosse le bebe, le bebe. Oh, Seigneur, merci, merci pour l'onction, merci pour l'onction, merci pour l'onction, merci pour l'onction. Merci pour l'ancien. Ike le mabro se le baba la baba. Oh, toi qui soumets. Allez, bro, se le baba la baba. Ike le bébé, le bébé, le bébé. Et le bébé, le bébé, le bébé. Une autre dimension, Seigneur. Une autre dimension, Seigneur. Seigneur. Une autre dimension, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ike le mabro se le baba la baba. Aquele bro se le bebe le bebe, y que le mambro se le baba, y que le bro le bebe le bebe, y que le bebe le bebe, y que le bebe le bebe, y que le bebe, y que le bebe le bebe, y que le bebe le bebe, y que le bebe le bebe, y que le bebe le bebe. Oh, que les eaux vives coulent de ton sein, au nom de Jésus. Allez, bro, c'est le bas. Allez, bro, c'est le bas. Allez, bro, c'est le bébé. Allez, bro, c'est le baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui soumets, toi qui soumets. Et que le bébé, le bébé, le bébé, le bébé, le bébé. A que le mambro se le baba, la baba. Et que le bébé, le bébé. Et que le bébé, le bébé, le bébé, le bébé. Et que le bébé, le bébé, le bébé, le bébé. Et que le mambro se le baba, la baba. Oh, le bro se le baba, que le chambo. Ante le bro se le bébé, le bébé. Au nom de Jésus. Rempli, Seigneur. Rempli, Seigneur. Rempli, Seigneur. Rempli. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, une autre dimension de ton onction, de ton onction. Oh les bros, et que les bros c'est les baba, que les chameaux, et que les bros c'est les bébés, les bébés. Oh les bros c'est les baba, que les chameaux, et que les mambros c'est les baba, que les chameaux, et que les mambros c'est les baba, que les chameaux. Ah les bros c'est les bébés, les bébés. Et les bros c'est les baba. In the name of Jesus. Oh Seigneur, merci. Oh merci, merci, merci. Merci, merci, merci, merci. Ikele mabra la baba. Love, feel. Nous avons feel me. Besoin feel de toi. Remplis-le. Remplis-le. Remplis-le. Brossez les babas. Ikele mabra, c'est le bébé. Oh, les brossez les babas. Kalama, brossez les bébés. Yakele, brossez les babas. In the name of Jesus. Lord, we thank you. We thank you. We thank you for the infilling of your power, of your anointing, of your anointing in the name of Jesus. Oh Lord, we thank you. Father, we bless you. We give you glory. We give you glory. We give you glory. Oh yes. Oh yes. Oh yes. With power. With power. With power. With power. With power. In the name of oh yes, yes, yes, feel it. Feel it with power. Oh yes, sir. Oh yes, sir. We're refreshing. Refresh. Refresh. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesus, brosse le baba, à la mano, tous les nos fessés, et les brosse le baba, à tes les bros, oh les brosse le baba, oh Lord, thank you, pour your daughter, merci pour ta fille, elle a purification, besoin. En ta présence, in the name of Jesus, in the name of Jesus, oh Seigneur, merci pour ta fille, Elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de toi. Elle a besoin de l'Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, bro. Allez, bro. Allez, bro. Allez, bro. Oh, reconfort. Reconfort. Oh, reconfort. Oh, reconfort de joie. Elle a besoin de joie du Saint-Esprit. De la joie du Saint-Esprit. De la joie du Saint-Esprit. De la joie du Saint-Esprit. De la joie du Saint-Esprit. La joie du Saint-Esprit. Oh, Seigneur, merci. Allez, vous, les bébés, les bébés, les bébés. Il qu'elle est ma brosse, les bébés, les bébés. Y a que le bro s'élevé, y a que le bro s'élevé, y a que le bro s'élevé, y a que le bro s'élevé, y a que le bro la cabana. Vamos, te le bebe, le bebe. Y que le bro s'élevé, va. Oh, yes, oh, yes. Oh, le bebe. Y a que le bro, y a que le bro. Y que le bro s'élevé, va. Oh, Lord. Oh, Lord. Yes, another dimension, Lord, in the realm of the Spirit. Oh, dans l'esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Oh, les bros, c'est le bébé, le bébé. Oh, Lord, we thank you. We thank you. We bless you. In the name of Jesus. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ta fille. Merci pour ta fille. Au nom de Jésus. Oh, yes. Seigneur, merci. Merci. Merci. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever les mains? On peut lever les mains. Et dire merci. Pour la présence du Saint-Esprit. Pour la présence du Saint-Esprit. Pour la présence du Saint-Esprit. Pour la présence du Saint-Esprit. Oh, et pour le don, le baptême. Le Saint-Esprit vous a baptisé ce soir. Oh Seigneur, merci. Merci pour le baptême. Au nom de Jésus. Yes. Je suis le Seigneur. Remercier. Je dis merci. Dis merci. Si tu as commencé à parler en langue aujourd'hui, prie en langue. Prie en langue. Dis ba ba ba ba. Ah ah ah ah ah. Oh oh oh oh. Hey, hey. Juste répéter la même chose. Répéter ce que le Saint-Esprit t'a donné. Ce sont des mystères. C'est la puissance et le mystère. Je dis merci. Je dis merci. Je dis merci. Je dis merci. Est-ce que tout le monde peut chanter? Je dis merci. Je dis merci. Oh puissant. Oh puissant. Créateur du. Puissant. te remercions pour le baptême ce soir. Pour l'onction, pour le don du Saint-Esprit. Seigneur, merci. Merci pour ce don que tu as donné, nous a donné, pour faire des combattre. Combattre. Seigneur, merci. Merci. Au nom de Jésus, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait. Les dons que tu as donné, l'onction que tu as donné, les dimensions d'onction que tu as donné, nous a donné ce soir. Seigneur, merci. À toi la gloire. Est-ce que tu peux dire à toi la gloire? À toi la gloire. Seigneur, merci. Merci. Merci. Au nom de Jésus. Et tout le monde dise amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces cris de joie? Alléluia. Allez, vous asseoir, s'il vous plaît.